Chapitre 1, première partie. Comme 6 heures sonnaient au coucou de la salle à manger, Chanteau perdit tout espoir. Il se leva péniblement du fauteuil où il chauffait ses lourdes jambes de goutteux devant un feu de coq. Depuis 2 heures, il attendait Madame Chanteau, qui, après une absence de 5 semaines, ramenait ce jour-là de Paris leur petite cousine Pauline Quenu, une orpheline de 10 ans, dont le ménage avait accepté la tutelle. « C'est inconcevable, Véronique, » dit-il en poussant la porte de la cuisine. « Il leur est arrivé un malheur !» La bonne, une grande fille de 35 ans, avec des mains d'homme et une face de gendarme, était en train d'écarter du feu un gigot qui allait être certainement trop cuit. Elle ne gronda pas, mais une colère blêmissait la peau rude de ses joues. « Madame sera restée à Paris, » dit-elle sèchement, « avec toutes ces histoires qui n'en finissent plus et qui mettent la maison en l'air. »« Non, non, » expliqua Chanteau. « La dépêche d'hier soir annonçait le règlement définitif des affaires de la petite. Madame a dû arriver ce matin à Caen, où elle s'est arrêtée pour passer chez Davoine. À 1 heure, elle reprenait le train. À 2 heures, elle descendait à Bayeux. À 3 heures, l'omnibus du père Malivoire l'a déposée à Romanche. » Et si même Malivoire n'a pas attelé tout de suite sa vieille berline, madame aurait pu être ici vers 4 heures, 4 heures et demie au plus tard. Il n'y a guère que 10 kilomètres d'Aromanche à Bonneville. » La cuisinière, les yeux sur son gigot, écoutait tous ses calculs en hochant la tête. Il ajouta, après une hésitation, « Tu devrais aller au coin de la route, Véronique. » Elle le regarda, plus pâle encore, de colère contenue. « Tiens, pourquoi, puisque M. Lazare est déjà dehors, à patauger à leur rencontre, c'est pas la peine que j'aille me crotter jusqu'au rein. »« C'est que, » murmura Chanteau doucement, « je finis par être inquiet aussi de mon fils. Lui non plus ne reparaît pas. Que peut-il faire sur la route depuis 1 heure ?» Alors, sans parler davantage, Véronique prit à un clou un vieux châle de laine noire, dont elle s'enveloppa la tête et les épaules. Puis, comme son maître la suivait dans le corridor, elle lui dit brusquement « Retournez donc devant votre feu si vous ne voulez pas gueuler demain toute la journée avec vos douleurs. » Et sur le perron, après avoir refermé la porte à la volée, elle mit ses sabots et cria dans le vent « Ah, Dieu de Dieu, en voilà une morveuse qui peut se flatter de nous faire tourner en bourrique !» Chanteau resta paisible. Il était accoutumé aux violences de cette fille, entrée chez lui à l'âge de 15 ans, l'année même de son mariage. Lorsqu'il n'entendit plus le bruit de ses sabots, il s'échappa comme un écolier en vacances et alla se planter, à l'autre bout du couloir, devant une porte vitrée qui donnait sur la mer. Là, il s'oublia un instant, court et ventru, le teint coloré, regardant le ciel de ses gros yeux bleus à fleur de tête, sous la calotte neigeuse de ses cheveux coupés ras. Il était à peine âgé de 56 ans, mais les accès de goutte dont il souffrait l'avaient vieilli de bonne heure. Distrait de son inquiétude, les regards perdus, il songeait que la petite Pauline finirait bien par faire la conquête de Véronique. Puis, était-ce sa faute? Quand ce notaire de Paris lui avait écrit que son cousin Quenu, veuve depuis 6 mois, venait de mourir à son tour, en le chargeant par testament de la tutelle de sa fille, il ne s'était pas senti la force de refuser. Sans doute, on ne se voyait guère, la famille se trouvait dispersée. Le père de Chanteau avait jadis créé à Caen un commerce de bois du Nord après avoir quitté le Midi et battu toute la France comme simple ouvrier charpentier. Tandis que le petit Quenu, dès la mort de sa mère, était débarqué à Paris, où un autre de ses oncles lui avait plus tard cédé une grande charcuterie en plein quartier des Halles. Et on s'était à peine rencontré 2 ou 3 fois lorsque Chanteau, forcé par ses douleurs de quitter son commerce, avait fait des voyages à Paris afin de consulter les célébrités médicales. Seulement, les deux hommes s'estimaient. Le mourant rêvait peut-être pour sa fille l'air salubre de la mer. Celle-ci, d'ailleurs, héritant de la charcuterie, serait loin d'être une charge. Enfin, Madame Chanteau avait accepté, même si vivement qu'elle avait voulu éviter à son mari la fatigue dangereuse d'un voyage, partant seule, battant le pavé, réglant les affaires, avec son continuel besoin d'activité. Et il suffisait à Chantot que sa femme fût contente. Mais pourquoi n'arrivaient-elles pas toutes les deux? Ses craintes le reprenaient. En face du ciel livide, où le vent d'ouest emportait de grands nuages noirs, comme des haillons de suie, dont les déchirures traînaient au loin dans la mer. C'était une de ces tempêtes de mars, lorsque les marées de l'équinoxe battent furieusement les côtes. Le flot, qui commençait seulement à monter, ne mettait encore sur l'horizon qu'une barre blanche, une écume mince et perdue. Et la plage, si largement découverte ce jour-là, cette lieu de rochers et d'algues sombres, cette plaine rase, salie de flaques, tachée de deuil, prenait une mélancolie affreuse sous le crépuscule tombant de la fuite épouvantée des nuages. « Peut-être bien que le vent les a chavirés dans un fossé !» murmura Chantot. Un besoin de voir le poussait. Il ouvrit la porte vitrée, risqua ses chaussons de lisière sur le gravier de la terrasse qui dominait le village. Quelques gouttes de pluie volant dans l'ouragan lui cinglèrent le visage. Un souffle terrible fit claquer son veston de grosse laine bleue. Mais il s'entêtait, sans casquette, le dos arrondi. Et il vint s'accouder au parapet pour surveiller la route en bas. Cette route dévalait entre deux falaises. On aurait dit un coup de hache dans le roc, une fente qui avait laissé couler les quelques mètres de terre où se trouvaient plantées les 25 à 30 masures de Bonneville. Chaque marée semblait devoir les écraser contre la rampe, sur leur lit étroit de galets. À gauche, il y avait un petit port d'échouage, une bande de sable, où des hommes hissaient à cris réguliers une dizaine de barques. Ils n'étaient pas 200 habitants, ils vivaient de la mer, fort mal, collés à leurs rochers avec un entêtement stupide de mollusques. Et, au-dessus des misérables toits, défoncés chaque hiver par les vagues, on ne voyait sur les falaises, à demi-pente, que l'église à droite et que la maison des Chantot à gauche, séparées par le ravin de la route. C'était là, tout Bonneville. « Hein ? Quel fichu temps ! » cria une voix. Ayant levé les yeux, Chantot reconnut le curé, l'abbé Horteur, un homme trapu, en colure de paysan, dont les 50 ans n'avaient pas encore pâli les cheveux roux. Devant l'église, sur le terrain du cimetière, le prêtre s'était réservé un potager, et il était là, regardant ses premières salades, en serrant sa soutane entre ses cuisses pour que l'ouragan ne la lui mît pas sur la tête. Chantot, qui ne pouvait parler et se faire entendre contre le vent, dut se contenter de saluer de la main. « Je crois qu'ils n'ont pas tort de retirer les barques !» continua le curé à plein gosier. « Vers 10 heures, ils danseront !» Et, comme décidément, une rafale le coiffait de sa soutane, il disparut derrière l'église. Chantot s'était retourné, gonflant les épaules, tenant le cou. Les yeux pleins d'eau, il jetait un regard sur son jardin, brûlé par la mer, et sur la maison de briques, aux 2 étages de 5 fenêtres, dont les persiennes, malgré les clavettes d'arrêt, menaçait d'être arraché. Lorsque la rafale eut passé, il se pencha de nouveau sur la route, mais Véronique revenait en agitant les bras. « Comment ? Vous êtes sorti ? Voulez-vous bien vite rentrer, monsieur ?» Elle le rattrapa dans le corridor, le gourmanda ainsi qu'un enfant pris en faute. « N'est-ce pas ? Quand il souffrirait le lendemain, ce serait encore elle qui serait obligée de le soigner. « Tu n'as rien vu ? » demanda-t-il d'un ton soumis. « Bien sûr que non, que je n'ai rien vu. Madame est certainement à l'abri quelque part. » Il n'osait lui dire qu'elle aurait dû pousser plus loin. Maintenant, c'était l'absence de son fils qui le tourmentait surtout. « J'ai vu, reprit la bonne, que tout le pays est en l'air. Ils ont peur d'y rester cette fois. Déjà en septembre, la maison des Cuches a été fendue du haut en bas, et Prouane, qui montait sonner l'Angélus, vient de me jurer qu'elle serait par terre demain. » Mais à ce moment, un garçon de 19 ans franchit d'une enjambée les 3 marches du perron. Il avait un front large, des yeux très clairs, avec un fin duvet de barbe châtaine qui encadrait sa face longue. « Ah, tant mieux, voici Lazare !» dit Chanteau soulagé. « Comme tu es mouillé, mon pauvre enfant !» Le jeune homme accrochait, dans le vestibule, un caban trempé par les ondées. « Eh bien ?» demanda de nouveau le père. « Eh bien, personne !» répondit Lazare. « Je suis allé jusqu'à Verchemont, et là j'ai attendu sous le hangar de l'auberge, les yeux sur la route, qui est un vrai fleuve de boue. Personne ! Alors, j'ai craint de t'inquiéter, je suis revenu. » Il avait quitté le lycée de Caen au mois d'août, après avoir passé son baccalauréat. Et depuis 8 mois, il battait les falaises, ne se décidant point à choisir une occupation. Passionné seulement de musique, ce qui désespérait sa mère. Elle était partie fâchée, car il avait refusé de l'accompagner à Paris, où elle rêvait de lui trouver une position. Toute la maison s'en allait à la débandade, dans une aigreur involontaire que la vie commune du foyer aggravait encore. « Maintenant que te voilà prévenu, reprit le jeune homme, j'ai envie de pousser jusqu'à Arromanches. »« Non, non, la nuit tombe !» s'écria Chanteau. « Il est impossible que ta mère nous laisse sans nouvelles. J'attends une dépêche. »« Tiens, on dirait une voiture !» Véronique avait rouvert la porte. « C'est le cabriolet du docteur Cazenove » annonça-t-elle. « Est-ce qu'il devait venir, monsieur ?»« Ah, mon Dieu, mais c'est madame !» Tous descendirent vivement le perron. Un gros chien de montagne, croisé de Terre-Neuve, qui dormait dans un coin du vestibule, s'élança avec des abois furieux. À ce vacarme, une petite chatte blanche, l'air délicat, parut aussi sur le seuil. Mais devant la courboueuse, sa queue eut un léger tremblement de dégoût, et elle s'assit proprement en haut des marches pour voir. Cependant, une dame de 50 ans environ avait sauté du cabriolet avec une souplesse de jeune fille. Elle était petite et maigre, les cheveux encore très noirs, le visage agréable, gâté par un grand nez d'ambitieuse. D'un bond, le chien lui avait posé les pattes sur les épaules pour l'embrasser, et elle se fâchait. « Voyons, Mathieu, veux-tu me lâcher ? Grosse bête, as-tu fini ?» Lazare, derrière le chien, traversait la cour. Il cria pour demander « Pas de malheur, maman ?»« Non, non, » répondit Madame Chanteau. « Mon Dieu, nous étions d'une inquiétude !» dit le père qui avait suivi son fils, malgré le vent. « Qu'est-il donc arrivé ?»« Oh, des ennuis tout le temps, » expliqua-t-elle. « D'abord, les chemins sont si mauvais qu'il a fallu près de 2 heures pour venir de Bayeux. Puis, à Arromanches, voilà qu'un cheval de Malivoire se casse une patte. Et il n'a pas pu nous en donner un autre. J'ai vu le moment qu'il nous faudrait coucher chez lui. Enfin, le docteur a eu l'obligeance de nous prêter son cabriolet. Ce brave Martin nous a conduites. » Le cocher, un vieil homme à jambes de bois, un ancien matelot opéré autrefois par le chirurgien de marine Cazenove, et resté plus tard à son service, était en train d'attacher le cheval. Madame Chanteau s'était interrompue pour lui dire « Martin, aidez donc la petite à descendre !» Personne n'avait encore songé à l'enfant. Comme la capote du cabriolet tombait très bas, on ne voyait que sa jupe de deuil et ses petites mains gantées de noir. Du reste, elle n'attendit pas que le cocher l'aidât. Elle sauta légèrement à son tour. Une bourrasque soufflait, ses vêtements claquèrent, des mèches de cheveux bruns s'envolèrent sous le crêpe de son chapeau. Et elle avait l'air très fort pour ses 10 ans. Les lèvres grosses, la figure pleine et blanche, de cette blancheur des fillettes élevées dans les arrière-boutiques de Paris. Tous la regardaient. Véronique, qui arrivait pour saluer sa maîtresse, s'était arrêtée à l'écart, la face glacée et jalouse. Mais Mathieu n'imitait pas cette réserve. Il s'élança entre les bras de l'enfant et lui débarbouilla le visage d'un coup de langue. « N'aie pas peur !» cria Madame Chanteau. « Il n'est pas méchant !»« Oh, je n'ai pas peur !» répondit doucement Pauline. « J'aime bien les chiens !» En effet, elle était toute tranquille au milieu des rudes accolades de Mathieu. Sa petite figure grave s'éclaira d'un sourire dans son deuil. Puis, elle posa un gros baiser sur le museau du Terre-Neuve. « Et les gens, tu ne les embrasses pas ?» reprit Madame Chanteau. « Tiens, Voici ton oncle, puisque tu m'appelles ta tante. Et voici ton cousin, alors, un grand galopin qui est moins sage que toi. » L'enfant n'éprouvait aucune gêne. Elle embrassa tout le monde, elle trouva un mot pour chacun, avec une grâce de petite parisienne déjà rompue aux politesses. « Mon oncle, je vous remercie bien de me prendre chez vous. Vous verrez, mon cousin, nous ferons bon ménage. » « Mais elle est très gentille !» s'écria Chanteau, ravi. Lazare la regardait avec surprise, car il se l'était imaginée plus petite, d'une niaiserie effarouchée de gamine. « Oui, oui, très gentille !» répétait la vieille dame. « Et brave, vous n'avez pas idée. Le vent nous prenait de face dans cette voiture et nous aveuglait de poussière d'eau. 20 fois, j'ai cru que la capote, qui claquait comme une voile, allait se fendre. Eh bien, elle s'amusait, elle trouvait ça drôle. Mais qu'est-ce que nous faisons là? Il est inutile de nous mouiller davantage, voici la pluie qui recommence. » Elle se tournait, cherchant Véronique. Lorsqu'elle l'aperçut à l'écart, la mine revêche, elle lui dit ironiquement. « Bonjour, ma fille, comment te portes-tu? En attendant que tu me demandes de mes nouvelles, tu vas monter une bouteille pour Martin, n'est-ce pas? Nous n'avons pu prendre nos malles, ma Livoire les apportera demain de bonne heure. » Elle s'interrompit. Elle retourna vers la voiture, bouleversée. « Et mon sac ? Oh, j'ai eu une peur ! J'ai craint qu'il ne fût tombé sur la route. » C'était un gros sac de cuir noir, déjà blanchi aux angles par l'usure, et qu'elle refusa absolument de confier à son fils. Enfin, tous se dirigeaient vers la maison, lorsqu'une nouvelle bourrasque les arrêta, la laine coupée devant la porte. La chatte, assise d'un air curieux, les regardait lutter contre le vent. Et Madame Chanteau voulut savoir si Minouche s'était bien conduite pendant son absence. Ce nom de Minouche fit encore sourire Pauline de sa bouche grave. Elle se baissa, elle caressa la chatte, qui vint aussitôt se frotter contre sa jupe, la queue en l'air. Mathieu s'était remis à aboyer violemment pour sonner le retour au gîte, en voyant la famille monter le perron et se mettre à l'abri dans le vestibule. « Ah ! On est bien ici !» dit la mère. « Je finissais par croire que nous n'arriverions jamais. »« Oui, Mathieu, tu es un bon chien, mais laisse-nous tranquilles. »« Oh, je t'en prie, Lazare, fais-le taire, il m'entre dans les oreilles. » Le chien s'entêtait. La rentrée des Chanteaux dans leur salle à manger s'opéra aux éclats de cette musique d'allégresse. Devant eux, ils poussaient Pauline, la nouvelle enfant de la maison. Et derrière, venait Mathieu, toujours aboyant, suivi lui-même de la Minouche, dont le poil nerveux frémissait au milieu de ce tapage. Déjà dans la cuisine, Martin avait bu 2 verres de vin coup sur coup, et il s'en allait, tapant le carreau de sa jambe de bois, criant le bonsoir à tout le monde. Véronique venait de rapprocher du feu son gigot, qui était froid. Elle parut. Elle demanda. « Est-ce qu'on mange ?»« Je crois bien. Il est 7 heures, » dit Chanteau. « Seulement, ma fille, il faudrait attendre que madame et la petite se fussent changées. » « Mais je n'ai pas la malle pour Pauline, » fit remarquer madame Chanteau. « Heureusement que nous ne sommes pas mouillés dessous. Ôte ton manteau et ton chapeau, ma chérie. » « Débarrasse-la donc, Véronique. Et des choses là, n'est-ce pas? J'ai ici ce qu'il faut. » La bonne dut s'agenouiller devant l'enfant qui s'était assise. Pendant ce temps, la vieille dame tirait de son sac une paire de petits chaussons de feutre qu'elle lui mit elle-même aux pieds. Puis elle se fit déchausser à son tour et plongea de nouveau dans le sac, d'où elle revint avec une paire de savates pour elle. « Alors, je serre ?» demanda encore Véronique. « Tout à l'heure, Pauline, viens dans la cuisine te laver les mains et te passer de l'eau sur la figure. Nous mourrons de faim. Plus tard, on se décrassera à fond. » Ce fut Pauline qui reparut la première, laissant sa tante le nez dans une terrine. Chanteau avait repris sa place devant le feu, au fond de son grand fauteuil de velours jaune, et il se frottait les jambes d'un geste machinal, avec peur d'une crise prochaine. Tandis que Lazare coupait des tranches de pain, debout devant la table, où 4 couverts étaient mis depuis plus d'une heure. Les deux hommes, un peu gênés, souriaient à l'enfant, sans trouver une parole. Elle, tranquillement, examinait la salle meublée de noyers, passant du buffet et de la demi-douzaine de chaises à la suspension de cuivre verni, retenue surtout par 5 lithographies encadrées, les saisons et une vue du Vésuve, qui se détachait sur le papier marron des murailles. Sans doute le faux lambris de chêne peint égratigné des raflures plâtreuses, le parquet sali d'anciennes taches de graisse, l'abandon de cette pièce commune où la famille vivait, lui firent regretter la belle charcuterie de marbre qu'elle avait quittée la veille, car ses yeux s'attristèrent. Elle sembla deviner un instant les sourdes aigreurs cachées sous la bonhomie de ce milieu nouveau pour elle. Enfin, ses regards, après s'être intéressés à un baromètre très ancien dans un cartel de bois doré, se fixèrent sur une construction étrange qui tenait toute la tablette de la cheminée sous une boîte de verre, collée aux arêtes par de minces bandes de papier bleu. On aurait dit un jouet, un pont de bois en miniature, mais un pont d'une charpente extraordinairement compliquée. « C'est ton grand-oncle qui a fait ça, » expliqua Chanteau, heureux de trouver un sujet de conversation. « Oui, mon père avait commencé par être charpentier. J'ai toujours gardé son chef-d'œuvre. » Il ne rougissait pas de son origine, et Madame Chanteau tolérait le pont sur la cheminée, malgré l'humeur que lui causait cette curiosité encombrante, qui lui rappelait son mariage avec un fils d'ouvrier. Mais déjà la petite fille n'écoutait plus son oncle. Par la fenêtre, elle venait d'apercevoir l'horizon immense, et elle traversa vivement la pièce. Elle se planta devant les vitres, dont les rideaux de mousseline étaient relevés à l'aide d'embrasses de coton. Depuis son départ de Paris, la mer était sa préoccupation continuelle. Elle en rêvait. Elle ne cessait de questionner sa tante dans le wagon, voulant savoir à chaque coteau si la mer n'était pas derrière ses montagnes. Enfin, sur la plage d'Aromanche, elle était restée muette, les yeux agrandis, le cœur gonflé d'un gros soupir. Puis, d'Aromanche à Bonneville, elle avait à chaque minute allongé la tête hors du cabriolet, malgré le vent, pour voir la mer qui les suivait. Et maintenant, la mer était encore là. Elle serait toujours là, comme une chose à elle. Lentement, d'un regard, elle semblait en prendre possession. La nuit tombait du ciel livide où les bourrasques fouettaient le galop échevelé des nuages. On ne distinguait plus, au fond du chaos croissant des ténèbres, que la pâleur du flot qui montait. C'était une écume blanche, toujours élargie, une succession de nappes se déroulant, inondant les champs de varech, recouvrant les dalles rocheuses dans un glissement doux et berceur, dont l'approche semblait une caresse. Mais au loin, la clameur des vagues avait grandi, des crêtes énormes moutonnaient et un crépuscule de mort pesait au pied des falaises sur Bonneville désert, calfeutrée derrière ses portes, tandis que les barques, abandonnées en haut des galets, gisaient comme des cadavres de grands poissons échoués. La pluie noyait le village d'un brouillard fumeux, seule l'église se découpait encore nettement dans un coin blême des nuées. Pauline ne parla pas. Son petit cœur s'était de nouveau gonflé. Elle étouffait et elle soupira longuement. Tout son souffle parut sortir de ses lèvres. « Hein, c'est plus large que la Seine !» dit Lazare qui était venu se placer derrière elle. Cette gamine continuait à le surprendre. Il éprouvait, depuis qu'elle était là, une timidité de grand garçon gauche. « Oh oui !» répondit-elle très bas, sans tourner la tête. Il allait la tutoyer, il se reprit. « Ça ne vous effraie pas ?» Alors, elle le regarda, l'air étonné. « Non ? Pourquoi ? Bien sûr que l'eau ne montera pas jusqu'ici. »« Eh, on n'en sait rien, » dit-il, cédant à un besoin de se moquer d'elle. « Des fois, l'eau passe par-dessus l'église. » Mais elle éclata d'un bon rire. Dans son petit être réfléchi, c'était une bouffée de gaieté bruyante et saine, la gaieté d'une personne de raison que l'absurde met en joie. Et ce fut elle qui tutoya la première le jeune homme, en lui prenant la main comme pour jouer. « Oh, cousin, tu me croiras donc bête? Est-ce que tu resterais ici si l'eau passait par-dessus l'église ?» Lazare riait à son tour, serrait les mains de l'enfant, tous deux désormais bons camarades. Justement, Madame Chanteau rentra au milieu de ses éclats joyeux. Elle parut heureuse, elle dit en s'essuyant les mains. « La connaissance est faite, je savais bien que vous vous entendriez ensemble. »« Je sers, madame ?» interrompit Véronique, debout sur le seuil de la cuisine. « Oui, oui, ma fille, seulement tu ferais mieux d'allumer d'abord la lampe, on n'y voit plus. » La nuit, en effet, venait si rapidement que la salle à manger, obscure, n'était plus éclairée que par le reflet rouge du coq. Ce fut encore un retard. Enfin, la bonne baissa la suspension, le couvert apparut sous le rond de clarté vive. Et tout le monde était assis, Pauline entre son oncle et son cousin, en face de sa tante, lorsque cette dernière se leva de nouveau avec sa vivacité de vieille femme maigre qui ne pouvait rester en place. « Où est mon sac ? Attends, ma chérie, je vais te donner ta timbale. Ôte le verre, Véronique. Elle est habituée à sa timbale, cette enfant. » Elle avait sorti une timbale d'argent, déjà bossuée, qu'elle essuya avec sa serviette et qu'elle posa devant Pauline. Puis, elle garda son sac derrière elle, sur une chaise. La bonne servait un potage au vermicelle, en avertissant de son air maussade qu'il était beaucoup trop cuit. Personne n'osa se plaindre. On avait grand faim. Le bouillon sifflait dans les cuillères. Ensuite vint le bouilli. Chanteau, très gourmand, y toucha à peine, se réservant pour le gigot. Mais quand celui-ci fut sur la table, il y eut une protestation générale. C'était du cuir desséché, on ne pouvait pas manger ça. « Pardi, je le sais bien, » dit tranquillement Véronique, « fallait pas faire attendre. » Pauline, gaiement, coupait sa viande en petits morceaux et l'avalait tout de même. Quant à Lazare, il ne savait jamais ce qu'il avait sur son assiette. Il aurait englouti des tranches de pain pour des blancs de volaille. Cependant, Chanteau regardait le gigot d'un œil morne. « Et avec ça, Véronique, qu'est-ce que tu as ?»« Des pommes de terre sautées, monsieur. » Il fit un geste de désespoir en s'abandonnant dans son fauteuil. La bonne reprit. « Si monsieur veut que je rapporte le bœuf ?» Mais il refusa d'un branle mélancolique de la tête. « Autant du pain que du bouilli. Ah, mon Dieu, quel dîner ! Jusqu'au mauvais temps qui avait empêché d'avoir du poisson. » Madame Chanteau, très petite mangeuse, le regardait avec pitié. « Mon pauvre ami, dit-elle tout d'un coup, tu me fais de la peine. J'avais là un cadeau pour demain, mais puisqu'il y a famine ce soir... » Elle avait rouvert son sac et en tirait une terrine de foie gras. Les yeux de Chanteau s'allumèrent. Du foie gras, du fruit défendu, une friandise adorée que son médecin lui interdisait absolument. « Seulement, tu sais, continuait sa femme, je ne t'en permets qu'une tartine, sois raisonnable, ou tu n'en auras jamais plus. » Il avait saisi la terrine. Il se servait d'une main tremblante. Souvent, de terribles combats se livraient ainsi entre sa terreur d'un accès et la violence de sa gourmandise. Et presque toujours, la gourmandise était la plus forte. Tant pis, c'était trop bon, il souffrirait. Véronique, qui l'avait regardé se tailler une large tranche, retourna dans sa cuisine en murmurant. « Ah bien, ce que monsieur gueulera !» Ce mot revenait naturellement dans sa bouche. Les maîtres l'avaient accepté, tant elle le disait d'une façon simple. Monsieur gueulait quand il avait une crise. Et c'était tellement ça qu'on ne songeait point à la rappeler au respect. La fin du dîner fut très gaie. Lazare, en plaisantant, ôta la terrine des mains de son père. Mais lorsque le dessert parut, un fromage de Pont-l'Évêque et des biscuits, la grande joie fut une brusque apparition de Mathieu. Jusque-là, il avait dormi quelque part, sous la table. L'arrivée des biscuits venait de l'éveiller. Il semblait les sentir dans son sommeil, et tous les soirs, à ce moment précis, il se secouait, il faisait sa ronde, guettant les cœurs sur les visages. D'habitude, c'était Lazare qui se laissait le plus vite apitoyer. Seulement, ce soir-là, Mathieu, à son deuxième tour, regarda fixement Pauline de ses bons yeux humains. Puis, devinant une grande amie des bêtes et des gens, il posa sa tête énorme sur le petit genou de l'enfant, sans la quitter de ses regards pleins de tendres supplications. « Oh, le mendiant !» dit Madame Chanteau. « Doucement, Mathieu ! Veux-tu bien ne pas te jeter si fort sur la nourriture ?» Le chien, d'un coup de gosier, avait bu le morceau de biscuit que Pauline lui tendait. Et il replaçait sa tête sur le petit genou. Il demandait un autre morceau, les yeux toujours dans les yeux de sa nouvelle amie. Elle riait, le baisait, le trouvait bien drôle, les oreilles rabattues, une tache noire sur l'œil gauche, la seule tache qui marqua sa robe blanche aux longs poils frisés. Mais il y eut un incident. La minouche, jalouse, venait de sauter légèrement au bord de la table. Et, ronronnante, l'échine souple, avec des grâces de jeune chèvre, elle donnait de grands coups de tête dans le menton de l'enfant. C'était sa façon de se caresser. On sentait son effroi et l'effleurement de ses dents pointues, tandis qu'elle dansait sur ses pattes, comme un mitron pétrissant de la pâte. Alors, Pauline fut enchantée, entre les deux bêtes, la chatte à gauche, le chien à droite, envahie par eux, exploitée indignement, jusqu'à leur distribuer tout son dessert. « Renvoie-les donc !» lui dit sa tante. « Ils ne te laisseront rien !»« Qu'est-ce que ça fait ?» répondit-elle simplement, dans son bonheur de se dépouiller. On avait fini. Véronique ôtait le couvert. Les deux bêtes, voyant la table nette, s'en allèrent sans dire merci, en se léchant une dernière fois. Pauline s'était levée, et debout devant la fenêtre, elle tâchait de voir. Depuis le potage, elle regardait cette fenêtre s'obscurcir, devenir peu à peu d'un noir d'encre. Maintenant, c'était un mur impénétrable, une masse de ténèbres où tout avait sombré. Le ciel, l'eau, le village, l'église elle-même. Sans s'effrayer des plaisanteries de son cousin, elle cherchait la mère. Elle était tourmentée du désir de savoir jusqu'où cette eau allait monter. Et elle n'entendait que la clameur grandir, une voix haute, monstrueuse, dont la menace continue s'enflait à chaque minute, au milieu des hurlements du vent et du cinglement des averses. Plus une lueur, pas une pâleur d'écume sur le chaos des ombres. Rien que le galop des vagues, fouetté par la tempête, au fond de ce néant. « Fichtre !» dit Chanteau. « Elle arrive raide, et elle a encore 2 heures à monter. »« Si le vent soufflait du nord, » expliqua Lazare, « je crois que Bonneville serait fichue. Heureusement qu'il nous prend de biais. » La petite fille s'était retournée et les écoutait, ses grands yeux pleins d'une pitié inquiète. « Bah !» reprit Madame Chanteau, « nous sommes à l'abri. Il faut laisser les autres se débrouiller, chacun à ses malheurs. Dis, ma mignonne, veux-tu une tasse de thé bien chaud ? Et puis nous irons nous coucher. » Véronique avait jeté sur la table desservie un vieux tapis rouge à grosses fleurs, autour duquel la famille passait les soirées. Chacun reprit sa place. Lazare, sorti un instant, était revenu avec un encrier, une plume, toute une poignée de papier, et il s'installa sous la lampe. Il se mit à copier de la musique. Madame Chanteau, dont les regards tendres ne quittaient pas son fils depuis son retour, devint brusquement très aigre. « Encore ta musique ? Tu ne peux donc pas nous donner une soirée, même le jour de mon retour ?»« Mais maman, je ne m'en vais pas, je reste avec toi. Tu sais bien que ça ne m'empêche pas de causer. Va, va, dis-moi quelque chose, je te répondrai. » Et il s'entêta, couvrant de ses papiers une moitié de la table. Chanteau s'était allongé douillettement dans son fauteuil, les mains abandonnées. Devant le feu, Mathieu s'endormait. Pendant que Minouche, remontée d'un bond sur le tapis, faisait une grande toilette, une cuisse en l'air, se léchant avec précaution le poil du ventre. Une bonne intimité semblait tomber de la suspension du cuivre, et bientôt Pauline, qui souriait de ses yeux demi-clos à sa nouvelle famille, ne put résister au sommeil, brisée de lassitude, engourdie par la chaleur. Elle laissa glisser sa tête, s'assoupit dans le creux de son bras replié, en plein sous la clarté tranquille de la lampe. Ses paupières fines étaient comme un voile de soie tiré sur son regard. Un petit souffle régulier sortait de ses lèvres pures. « Elle ne doit plus tenir debout, » dit Madame Chantot en baissant la voix. « Nous la réveillerons pour qu'elle prenne son thé et nous la coucherons. » Alors un silence régna. Dans le grondement de la tempête, on n'entendait que la plume de Lazare. C'était une grande paix, la somnolence des vieilles habitudes, la vie ruminée chaque soir à la même place. Longtemps, le père et la mère se regardèrent sans rien dire. Enfin, Chantot demanda avec hésitation. « Et à quand d'Avoine aura-t-il un bon inventaire ?» Elle haussa furieusement les épaules. « Ah, bien oui, un bon inventaire, quand je te le disais que tu te laissais mettre dedans !» Maintenant que la petite sommeillait, on pouvait causer. Ils parlaient bas, ils ne voulaient d'abord que se communiquer brièvement les nouvelles. Mais la passion les emportait, et peu à peu, tous les tracas du ménage se déroulèrent. À la mort de son père, l'ancien ouvrier charpentier qui menait son commerce de bois du Nord avec les coups d'audace d'une tête aventureuse, Chantot avait trouvé une maison fort compromise. Peu actif, d'une prudence routinière, il s'était contenté de sauver la situation, à force de bon ordre et de vivoter honnêtement sur des bénéfices certains. Le seul roman de sa vie fut son mariage. Il épousa une institutrice qu'il rencontra dans une famille amie. Eugénie de Lavinière, orpheline de Hobereau ruinée du Cotentin, comptait lui souffler au cœur son ambition. Mais lui, d'une éducation incomplète, envoyé sur le tard dans un pensionnat, reculait devant les vastes entreprises, opposait l'inertie de sa nature aux volontés dominatrices de sa femme. Lorsqu'il leur vint un fils, celle-ci reporta sur cet enfant son espoir d'une haute fortune, le mit au lycée, le fit travailler elle-même chaque soir. Cependant, un dernier désastre devait déranger ses calculs. Chantot, qui depuis l'âge de 40 ans souffrait de la goutte, finit par avoir des accès si douloureux qu'il parla de vendre sa maison. C'était la médiocrité. De petites économies mangées à l'écart. L'enfant jeté plus tard dans l'existence, sans le soutien des premiers 20 000 francs de rente qu'elle rêvait pour lui. Alors, Madame Chantot voulut au moins s'occuper de la vente. Les bénéfices pouvaient être d'une 10 000 francs, dont le ménage vivait largement, car elle avait le goût des réceptions. Ce fut elle qui découvrit un sieur d'avoine et qui eut l'idée de la combinaison suivante. D'Avoine achetait le commerce de bois 100 000 francs. Seulement, il n'en versait que 50 000, en lui abandonnant les 50 000 autres, les Chantot restaient ses associés et partageaient les bénéfices. Ce D'Avoine semblait être un homme d'une intelligence hardie. Même en admettant qu'il ne fît pas rendre davantage à la maison, c'était toujours 5 000 francs assurés, qui, ajoutés aux 3 000 produits par les 50 000 placés sur hypothèque, constituait une rente totale de 8 000 francs. Avec cela, on patienterait, on attendrait les succès du fils, qui devait les tirer de leur vie médiocre. Et les choses furent réglées ainsi. Chantot avait justement acheté, 2 années auparavant, une maison au bord de la mer, à Bonneville, une occasion pêchée dans la débâcle d'un client insolvable. Au lieu de la revendre, comme elle en avait eu un moment l'idée, Madame Chantot décida qu'on se retirerait là-bas, au moins jusqu'au premier triomphe de Lazare. Renoncer aux réceptions, s'enfouir dans un trou perdu, était pour elle un suicide, mais elle cédait sa maison entière à D'Avoine. Il lui aurait fallu jouer autre part, et le courage lui venait de faire des économies. Avec l'idée entêtée d'opérer plus tard une rentrée triomphale à Caen, lorsque son fils y occuperait une grande position. Chantot approuvait tout. Quant à sa goutte, elle devrait s'accommoder du voisinage de la mer. D'ailleurs, sur 3 médecins consultés, 2 avaient eu l'obligeance de déclarer que le vent du large tonifierait d'une façon puissante l'état général. Donc, un matin de mai, les Chantaux, laissant au lycée Lazare, alors âgé de 14 ans, partir pour s'installer définitivement à Bonneville. Depuis cet arrachement héroïque, 5 années s'étaient écoulées et les affaires du ménage allaient de mal en pis. Comme Davoine se lançait dans de grandes spéculations, il disait avoir besoin de continuelles avances, risquer de nouveau les bénéfices, de sorte que les inventaires se soldaient par des pertes. À Bonneville, on en était réduit à vivre sur les 3 000 francs de rente, si maigrement qu'on avait dû vendre le cheval et que Véronique cultivait le potager. « Voyons, Eugénie, hasarda Chantaud, si l'on m'a mis dedans, c'est un peu ta faute. » Mais elle n'acceptait plus cette responsabilité. Elle oubliait volontiers que l'association avec Davoine était son œuvre. « Comment ? Ma faute ? » répondit-elle d'une voix sèche. « Est-ce que c'est moi qui suis malade ? Si tu n'avais pas été malade, nous serions peut-être millionnaires !» Chaque fois que l'amertume de sa femme débordait ainsi, il baissait la tête, gêné et honteux d'abriter dans ses os l'ennemi de la famille. « Il faut attendre, » murmura-t-il. « Davoine a l'air certain du coup qu'il prépare. Si le sapin remonte, nous avons une fortune. » « Et puis quoi ? » interrompit Lazare, sans cesser de copier sa musique. « Nous mangeons tout de même. Vous avez bien tort de vous tracasser. C'est moi qui me moque de l'argent. » Madame Chantaud haussa une seconde fois les épaules. « Toi, tu ferais mieux de t'en moquer un peu moins et de ne pas perdre de temps à tes bêtises. » Dire que c'était elle qui lui avait appris le piano. Rien que la vue d'une partition l'exaspérait aujourd'hui. Son dernier espoir croulait. Ce fils, qu'elle avait rêvé préfet ou président de cour, parlait d'écrire des opéras, et elle le voyait plus tard courir le cachet, comme elle, dans la boue des rues. « Enfin, reprit-elle, voici un aperçu des 3 derniers mois que Davoine m'a donné. Si ça continue de la sorte, c'est nous qui lui devrons de l'argent en juillet. » Elle avait posé son sac sur la table et en sortait un papier qu'elle tendit à Chantaud. Il dut le prendre. Le retourna, finit par le placer devant lui sans l'ouvrir. Véronique apportait le thé. Un long silence tomba. Les tasses restèrent vides. Près du sucrier, la Minouche, qui avait mis les pattes en manchon, serrait les paupières béatement, tandis que Mathieu, devant la cheminée, ronflait comme un homme. Et la voix de la mère continuait à monter au dehors, ainsi qu'une basse formidable, accompagnant les petits bruits paisibles de cet intérieur ensommeillé. « Si tu l'as réveillée, maman, » dit Lazare, « elle ne doit pas être bien là pour dormir. » « Oui, oui, » murmura Madame Chantaud, préoccupée, les yeux sur Pauline. Tous trois regardaient l'enfant assoupi. Son haleine s'était calmée. Ses joues blanches et sa bouche rose avaient une douceur immobile de bouquet dans la clarté de la lampe. Seuls ses longs cheveux châtains, dépeignés par le vent, portaient une ombre sur son front délicat. Et l'esprit de Madame Chantaud retournait à Paris, au milieu des ennuis qu'elle venait d'avoir, étonnée elle-même de sa chaleur à accepter cette tutelle, prise d'une considération instinctive pour une pupille riche, d'une honnêteté stricte d'ailleurs, et sans arrière-pensée au sujet de la fortune dont elle aurait la garde. « Quand je suis descendue dans cette boutique, » se mit-elle à raconter lentement, « elle était en petite robe noire. Elle m'a embrassée avec de gros sanglots. Oh, une très belle boutique, une charcuterie tout en marbre et en glace, juste en face des halles. Et j'ai trouvé là une gaillarde, une bonne, haute comme une botte, fraîche, rouge, qui avait prévenu le notaire, fait poser les scellés et qui continuait tranquillement à vendre du boudin et des saucisses. C'est Adèle qui m'a conté la mort de notre pauvre cousin quenu. Depuis 6 mois qu'il avait perdu sa femme Lisa, le sang l'étouffait. Toujours, il portait sa main à son cou comme pour ôter sa cravate. Enfin, un soir, on l'a trouvé la figure violette, le nez tombé dans une terrine de graisse. Son oncle Gradel était mort ainsi. » Elle se tut. Le silence recommença. Sur le visage endormi de Pauline, un rêve passait, la clarté rapide d'un sourire. « Et pour la procuration, tout a bien marché ?» demanda Chantaud. Très bien. Mais ton notaire a eu joliment raison de laisser le nom du mandataire en blanc, car il paraît que je ne pouvais te remplacer. Les femmes sont exclues de ces affaires-là. Comme je te l'ai écrit, je suis allée m'entendre dès mon arrivée avec ce notaire de Paris qui t'avait envoyé un extrait du testament où tu étais nommé tuteur. Tout de suite, il a mis la procuration au nom de son maître clerc, ce qui a lieu souvent, m'a-t-il dit. Et nous avons pu marcher. Chez le juge de paix, j'ai fait désigner pour le conseil de famille 3 parents du côté de Lisa, 2 jeunes cousins, Octave Mouret et Claude Lantier, et un cousin par alliance, M. Rambaud, lequel habite Marseille. Puis de notre côté, du côté de Quenu, j'ai pris les neveux Naudet, Liardin et Delorme. C'est, tu le vois, un conseil de famille très convenable et dont nous ferons ce que nous voudrons pour le bonheur de l'enfant. Alors, dans la première séance, ils ont nommé le subrogé tuteur, que j'avais choisi forcément parmi les parents de Lisa, M. Saccard. Chut ! Elle s'éveille, interrompit Lazare. En effet, Pauline venait d'ouvrir les yeux tout grands. Sans bouger, elle regarda d'un air étonné ces gens qui causaient. Puis, avec un sourire noyé de sommeil, elle laissa retomber ses paupières sous l'invincible fatigue. Et son visage immobile reprit sa transparence laiteuse de camélia. « Ce Saccard, n'est-ce pas le spéculateur ?» demanda Chantot. « Oui, répondit sa femme. Je l'ai vu, nous avons causé. Un homme charmant. Il a tant d'affaires en tête qu'il m'a averti de ne pas compter sur son concours. Tu comprends, nous n'avons besoin de personne. Du moment où nous prenons la petite, nous la prenons, n'est-ce pas ? Moi, je n'aime pas qu'on vienne mettre le nez chez moi. » Et dès lors, le reste a été bâclé. Ta procuration spécifiait heureusement tous les pouvoirs nécessaires. On a levé les scellés, fait l'inventaire de la fortune, vendu aux enchères la charcuterie. Oh, une chance, 2 concurrents enragés. 90 000 francs payés comptant. Le notaire avait déjà trouvé 60 000 francs en titres dans un meuble. Je l'ai prié d'acheter encore des titres. Et voici 150 000 francs de valeur solide que j'ai été bien contente d'apporter tout de suite, après avoir remis au maître clerc la décharge du mandat et le reçu de l'argent, dont je t'avais demandé l'envoi par retour du courrier. Tenez, regardez ça. » Elle avait replongé sa main dans le sac. Elle en ramenait un paquet volumineux, le paquet des titres, serré entre les 2 feuilles de carton d'un vieux registre de la charcuterie dont on avait arraché les pages. La couverture, à grande marbrure verte, était piquetée de taches de graisse. Et le père et le fils regardaient cette fortune qui tombait sur le tapis usé de leur table. « Le thé va être froid, maman, » dit Lazare en lâchant enfin sa plume. « Je le verse, n'est-ce pas ?» Il s'était levé, il emplissait les tasses. La mère n'avait pas répondu, les yeux fixés sur les titres. « Naturellement, » continua-t-elle d'une voix lente, « dans une dernière réunion du conseil de famille que j'ai provoquée, j'ai demandé à être indemnisée de mes frais de voyage, et l'on a réglé la pension de la petite chez nous à 800 francs. Nous sommes moins riches qu'elle, nous ne pouvons lui faire la charité. Aucun de nous ne voudrait gagner sur cet enfant, mais il nous est difficile d'y mettre d'une autre. On replacera les intérêts de ses rentes. On lui doublera presque son capital d'ici à sa majorité. Mon Dieu, nous ne remplissons que notre devoir. Il faut obéir aux morts. Si nous y mettons encore d'une autre, eh bien, cela nous portera chance peut-être, ce dont nous avons grand besoin. » La pauvre chérie a été si secouée et elle sanglotait si fort en quittant sa bonne. Je veux qu'elle soit heureuse avec nous. Les 2 hommes étaient gagnés par l'attendrissement. « Certes, ce n'est pas moi qui lui ferai du mal, » dit Chantot. « Elle est charmante, » ajouta Lazare. « Moi, je l'aime déjà beaucoup. » Mais, ayant senti le thé dans son sommeil, Mathieu s'était secoué et avait de nouveau posé sa grosse tête au bord de la table. Minouche, elle aussi, s'étirait, enflait l'échine en bâillant. Ce fut tout un réveil. La chatte finit par allonger le cou pour flairer le paquet des titres dans le carton graisseux. Et comme les chanteaux reportaient leur regard vers Pauline, ils l'aperçurent, les yeux ouverts, fixés sur les papiers, sur ce vieux registre déloqueté qu'elle retrouvait là. « Oh, elle sait bien ce qu'il y a dedans, » reprit Madame Chanteau. « N'est-ce pas, ma mignonne? Je t'ai montré ça là-bas, à Paris. C'est ce que ton pauvre père et ta pauvre mère t'ont laissé. » Des larmes roulèrent sur les joues de la petite fille. Son chagrin lui revenait encore ainsi, par brusques ondées de printemps. Elle souriait déjà au milieu de ses pleurs. Elle s'amusait de la minouche, qui, après avoir senti longuement les titres, sans doute alléchés par l'odeur, se remettait à pétrir et à ronronner, en donnant de grands coups de tête dans les angles du registre. « Minouche, veux-tu laisser ça ?» cria Madame Chanteau. « Est-ce qu'on joue avec l'argent ?» Chanteau riait, Lazare aussi. Au bord de la table, Mathieu, très excité, dévorant de ses yeux de flamme les papiers qu'il devait prendre pour une gourmandise, aboyait contre la chatte. Et toute la famille s'épanouissait bruyamment. Pauline, ravie de ce jeu, avait saisi entre ses bras la minouche qu'elle berçait et caressait, ainsi qu'une poupée. De crainte que l'enfant ne se rendormît, Madame Chanteau lui fit boire son thé tout de suite. Puis elle appela Véronique. « Donne-nous les bougeoirs. On reste à causer. On ne se coucherait pas. Dire qu'il est 10 heures. Moi qui dormais en mangeant. » Mais une voix d'homme s'élevait dans la cuisine et elle questionna la bonne lorsque celle-ci eut apporté les 4 bougeoirs allumés. « Avec qui donc causes-tu ? » « Madame, c'est Prouane. Il vient dire à monsieur que ça ne va pas bien en bas. La marée casse tout, paraît-il. » Chanteau avait dû accepter d'être maire de Bonneville. Et Prouane, un ivrogne qui servait de bedeau à l'abbé Horteur, remplissait en outre les fonctions de greffier. Il avait eu un grade sur la flotte, il écrivait comme un maître d'école. Quand on lui eut crié d'entrer, il parut, son bonnet de laine à la main, sa veste et ses bottes ruisselantes d'eau. « Eh bien, quoi donc, Prouane ?»« Dame, monsieur, c'est la maison des Cuches qui est nettoyée, pour le coup. Maintenant, si ça continue, ça va être le tour de celle des Gonins. Nous étions tous là, Tourmal, Outelard, moi, les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien contre cette gueuse. Il est dit que chaque année, elle nous emportera un morceau du pays. » Il y eut un silence. Les 4 bougies brûlaient avec des flammes hautes, et l'on entendit la mer, la gueuse, qui battait les falaises. À 7 heures, elle se trouvait dans son plein. Chaque flot en s'écroulant ébranlait la maison. C'était comme des détonations d'artillerie géante, des coups profonds et réguliers au milieu de la déchirure des galets roulés sur les roches, qui ressemblaient à un craquement continu de fusillade. Et dans ce vacarme, le vent jetait le rugissement de sa plainte. La pluie, par moments redoublée de violence, semblait fouetter les murs d'une grêle de plomb. « C'est la fin du monde !» murmura Madame Chanteau. « Et les Cuches, où vont-ils se réfugier ?»« Faudra bien qu'on les abrite, » répondit Prouane. « En attendant, ils sont déjà chez les Gonins. Si vous aviez vu ça, le petit qui a 3 ans trempait comme une soupe. » Et la mère en jupon, montrant tout ce qu'elle possède, sauf votre respect. Et le père, la tête à moitié fendue par une poutre, s'entêtant à vouloir sauver leurs 4 guenilles. Pauline avait quitté la table. Retournée près de la fenêtre, elle écoutait, avec une gravité de grande personne. Son visage exprima une bonté navrée, une fièvre de sympathie dont ses grosses lèvres tremblaient. « Oh, ma tante, dit-elle, les pauvres gens !» Et ses regards allaient au dehors, dans ce gouffre noir où les ténèbres s'étaient encore épaissies. On sentait que la mer avait galopé jusqu'à la route, qu'elle était là maintenant, gonflée, hurlante, mais on ne la voyait toujours plus. Elle semblait avoir noyé de flots d'encre le petit village, les rochers de la côte, l'horizon entier. C'était, pour l'enfant, une surprise douloureuse. Cette eau qui lui avait paru si belle et qui se jetait sur le monde. « Je descends avec vous, Prouane, » s'écria Lazare. « Peut-être y a-t-il quelque chose à faire ?»« Oh oui, mon cousin, » murmura Pauline dont les yeux brillaient. Mais l'homme secoua la tête. « Pas la peine de vous déranger, monsieur Lazare. Vous n'en feriez pas davantage que les camarades. Nous sommes là, à la regarder nous démolir tant que ça lui plaira. Et quand ça ne lui plaira plus, eh bien, nous aurons encore à la remercier. J'ai simplement voulu prévenir monsieur le maire. » Alors Chantot se fâcha, ennuyé de ce drame qui allait lui gâter sa nuit et dont il aurait à s'occuper le lendemain. « Aussi, cria-t-il, on n'a pas idée d'un village bâti aussi bêtement. Vous êtes fourré sous les vagues, ma parole d'honneur. Ce n'est pas étonnant si la mer avale vos maisons une à une. Et d'ailleurs, pourquoi restez-vous dans ce trou? On s'en va !»« Où donc ?» demanda Prouanne, qui écoutait d'un air stupéfait. « On est là, monsieur, on y reste. Il faut bien être quelque part. » « Ça, c'est une vérité, » conclut madame Chantot. « Et voyez-vous, là ou plus loin, on a toujours du mal. Nous montions nous coucher. Bonsoir. Demain, il fera clair. » L'homme s'en alla en saluant, et l'on entendit Véronique mettre les verrous derrière lui. Chacun tenait son bougeoir. On caressa encore Mathieu et la Minouche, qui couchaient ensemble dans la cuisine. Lazare avait ramassé sa musique, tandis que madame Chantot serrait sous son bras les titres dans le vieux registre. Elle reprit également sur la table l'inventaire de Davoine, que son mari venait d'y oublier. Ce papier lui crevait le cœur. Il était inutile de le voir traîner partout. « Nous montons, Véronique » cria-t-elle. « Tu ne vas pas rôder à cette heure !» Et, comme il ne sortait de la cuisine qu'un grognement, elle continua à voix plus basse. « Qu'a-t-elle donc? Ce n'est pourtant pas une enfant à sevrer que je lui amène. » « Laisse-la tranquille, dit Chantot. Tu sais qu'elle a ses lunes. Hein? Nous y sommes tous les quatre. Alors, bonne nuit. » Lui couchait au rez-de-chaussée, de l'autre côté du couloir, dans l'ancien salon transformé en chambre à coucher. De cette manière, quand il était pris, on pouvait aisément rouler son fauteuil près de la table ou sur la terrasse. Il ouvrit sa porte, s'arrêta un instant encore, les jambes engourdies, travaillait de la sourde approche d'une crise que la raideur de ses jointures lui annonçait depuis la veille. Décidément, il avait eu grand tort de manger du foie gras. Cette certitude, à présent, le désespérait. « Bonne nuit, » répéta-t-il d'une voix dolente. « Vous dormez toujours, vous autres. Bonne nuit, ma mignonne. Repose-toi bien, c'est de ton âge. » « Bonne nuit, mon oncle, » dit à son tour Pauline en l'embrassant. La porte se referma. Madame Chantot fit monter la petite la première. Lazare les suivait. « Le fait est qu'on n'aura pas besoin de me bercer ce soir, » déclara la vieille dame. « Et puis, moi, ça m'endort, ce vacarme. Ça ne m'est pas désagréable du tout. À Paris, ça me manquait d'être secouée dans mon lit. » Tous trois arrivaient au premier étage. Pauline, qui tenait sa bougie bien droite, s'amusait de cette montée à la file, chacun avec un cierge, dont la lumière faisait danser des ombres. Sur le palier, comme elle s'arrêtait, hésitante, ignorant où sa tante la conduisait, celle-ci la poussa doucement. « Va devant toi. Voici une chambre d'amis, et en face, voici ma chambre. Entre un moment, je veux te montrer. » C'était une chambre tendue de cretonne jaune à ramage vert, très simplement meublée d'acajou. Un lit, une armoire, un secrétaire. Au milieu, un guéridon était posé sur une carpette rouge. Quand elle eut promené sa bougie dans les moindres coins, madame Chantot s'approcha du secrétaire, dont elle rabattit le tablier. « Viens voir, » reprit-elle. Elle avait ouvert un des petits tiroirs où elle plaçait en soupirant l'inventaire désastreux de Davoine. Puis, elle vida un autre tiroir au-dessus, le sortit, le secoua pour en faire tomber d'anciennes miettes, et s'apprêtant à y enfermer les titres devant l'enfant qui regardait. « Tu vois, je les mets là, ils seront tout seuls. Veux-tu les mettre toi-même ?» Pauline éprouvait une honte qu'elle n'aurait pu expliquer. Elle rougit. « Oh, ma tante, ce n'est pas la peine. » Mais déjà, elle avait le vieux registre dans la main et elle dut le déposer au fond du tiroir, tandis que Lazare, la bougie tendue, éclairait l'intérieur du meuble. « Là, » continuait madame Chantot, « tu es sûre maintenant et sois tranquille, on mourrait de faim à côté. Souviens-toi, le premier tiroir de gauche. Ils n'en sortiront que le jour où tu seras assez grande fille pour les reprendre toi-même. Hein? Ce n'est pas la Minouche qui viendra les manger là-dedans. » Cette idée de la Minouche ouvrant le secrétaire et mangeant les papiers fit éclater l'enfant de rire. Sa gêne d'un instant avait disparu. Elle jouait avec Lazare, qui, pour l'amuser, ronronnait comme la chatte, en feignant de s'attaquer au tiroir. Il riait aussi de bon cœur. Mais sa mère avait refermé solennellement le tablier, et elle donna deux tours de clé d'une main énergique. « Ça y est, dit-elle. Voyons, Lazare, ne fais pas la bête. À présent, je monte m'assurer s'il ne lui manque rien. » Et tous trois, à la file, se retrouvèrent dans l'escalier. Au second étage, Pauline, de nouveau hésitante, avait ouvert la porte de gauche, lorsque sa tante lui cria « Non, non, pas de ce côté, c'est la chambre de ton cousin. Ta chambre est en face. » Pauline était restée immobile. Séduite par la grandeur de la pièce et par le fouillis de greniers qui l'encombrait. Un piano, un divan, une table immense, des livres, des images. Enfin, elle poussa l'autre porte et fut ravie, bien que sa chambre lui semblât toute petite comparée à l'autre. Le papier était à fond écru, semé de roses bleues. Il y avait un lit de fer drapé de rideaux de mousseline, une table de toilette, une commode et trois chaises. « Tout y est, » murmura Madame Chanteau. « De l'eau, du sucre, des serviettes, un savon, et dors tranquille. Véronique couche dans un cabinet à côté. Si tu te fais peur, tape contre le mur. »« Puis je suis là, moi, » déclara Lazare. « Lorsqu'il vient en revenant, j'arrive avec mon grand sabre. » Les portes des deux chambres, face à face, étaient restées ouvertes. Pauline promenait ses regards d'une pièce à l'autre. « Il n'y a pas de revenant, » dit-elle de son air gai. « Un sabre, c'est pour les voleurs. Bonsoir, ma tante. Bonsoir, mon cousin. Bonsoir, ma chérie. Tu sauras te déshabiller ? » ?»« Oh oui, oui, je ne suis plus une petite fille. À Paris, je faisais tout. » Ils l'embrassèrent. Madame Chanteau lui dit, en se retirant, qu'elle pouvait fermer sa porte à clé. Mais déjà l'enfant était devant la fenêtre, impatiente de savoir si la vue donnait sur la mer. La pluie ruisselait avec tant de violence le long des vitres qu'elle n'osa pas ouvrir. Il faisait très noir. Elle fut pourtant heureuse d'entendre la mer battre à ses pieds. Puis, malgré la fatigue qui l'endormait debout, elle fit le tour de la pièce. Elle regarda les meubles. Cette idée qu'elle avait une chambre à elle, une chambre séparée des autres, où il lui était permis de s'enfermer, la gonflait d'un orgueil de grande personne. Cependant, au moment de tourner la clé, comme elle avait enlevé sa robe et qu'elle se trouvait en petit jupon, elle hésita. Elle fut prise d'un malaise. Par où se sauver si elle voyait quelqu'un ? Elle eut un frisson. Elle rouvrit la porte. En face, au milieu de la pièce, Lazare était encore là, qui la regardait. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Tu as besoin de quelque chose ?» Elle devint très rouge, voulut mentir, puis céda à son besoin de franchise. « Non, non, vois-tu, c'est que j'ai peur quand les portes sont fermées à clé. Alors, je ne vais pas fermer, tu comprends? Et si je tape, c'est pour que tu viennes. Toi, entends-tu, pas la bonne. » Il s'était avancé, séduit par le charme de cette enfance, si droite et si tendre. « Bonsoir, » répéta-t-il en tendant les bras. Elle se jeta à son cou, l'étreignit de ses petits bras maigres, sans s'inquiéter de sa nudité de gamine. « Bonsoir, mon cousin. » 5 minutes plus tard, elle avait bravement soufflé sa bougie. Elle se pelotonnait au fond de son lit, drapée de mousseline. Sa lassitude donna longtemps à son sommeil une légèreté de rêve. D'abord, elle entendit Véronique monter sans précaution et traîner ses meubles pour réveiller le monde. Ensuite, il n'y eut plus que le tonnerre grondant de la tempête. La pluie entêtée battait les ardoises. Le vent ébranlait les fenêtres, hurlait sous les portes. Et pendant une heure encore, la canonnade continua. Chaque vague qui s'abattait la secouait d'un choc profond et sourd. Il lui semblait que la maison, anéantie, écrasée de silence, s'en allait dans l'eau comme un navire. Elle avait maintenant une bonne chaleur moite. Sa pensée vacillante se reportait, avec une pitié secourable, vers les pauvres gens que la mer, en bas, chassait de leur couverture. Puis, tout sombra. Elle dormit sans un souffle.